Il arrivait parfois des rafales de vent, brises de la mer qui, roulant d'un bond sur tout le plateau du pays de Caux, apportaient, jusqu'au loin dans les champs, une fraîcheur salée. Les joncs sifflaient à ras de terre et les feuilles d'hêtre bruissaient en un frisson rapide, tandis que les cimes, se balançant toujours, continuaient leur grand murmure. Emma serrait son châle contre ses épaules et se levait. Dans l'avenue, un jour vert, rabattu par le feuillage, éclairait la mousse rase qui craquait doucement sous ses pieds. Le soleil se couchait, le ciel était rouge entre les branches, et les troncs pareils des arbres, plantés en ligne droite, semblaient une colonnade brune se détachant sur un fond d'or. Une peur la prenait. Elle appelait Djali, ça retournait vite à Tost par la grande route, s'affaissait dans un fauteuil, et toute la soirée ne parlait plus. Mais, vers la fin de septembre, quelque chose d'extraordinaire tomba dans sa vie. Elle fut invitée à la Vaubyessard, chez le marquis d'Andervilliers. Secrétaire d'État sous la Restauration, le marquis, cherchant à rentrer dans la vie politique, préparait de longue main sa candidature à la Chambre des députés. Il faisait, l'hiver, de nombreuses distributions de fagots et, au Conseil général, réclamait avec exaltation toujours des routes pour son arrondissement. Il avait eu, lors des grandes chaleurs, un abcès dans la bouche, dont Charles l'avait soulagé, comme par miracle, en lui donnant à point un coup de lancette. L'homme d'affaires envoya Tos pour payer l'opération, conta le soir qu'il avait vu dans le jardin du médecin des cerises superbes. Or, les cerisiers poussaient mal à la Vaubyessard. Monsieur le marquis demanda quelques boutures à Bovary, se fit un devoir de la remercier lui-même, aperçut Emma, trouva qu'elle avait une jolie taille et qu'elle ne saluait point en paysanne, si bien qu'on ne crut pas au château outrepasser les bornes de la condescendance, ni d'autre part commettre une maladresse en invitant le jeune ménage. Un mercredi, à 3 heures, monsieur et madame Bovary, montés dans leur boc, partirent pour la Vaubyessard, avec une grande malle attachée par derrière et une boîte à chapeau qui était posée devant le tablier. Charles avait de plus un carton entre les jambes. Ils arrivèrent à la nuit tombante, comme on commençait à allumer les lampions dans le parc, afin d'éclairer les voitures.